moustiques qui piquent, des hirondelles au ras de l'eau, un chien. Je serai bientôt là. Il a fait si chaud. L'orage sera bientôt là. Il a fait trop chaud. C'est la saison des pluies. Saison des pluies, te voici. Tu parles encore de cet enfant qui marche sur les ondes du temps. Quelque part une femme chante la mélodie suave et lente qui dit Mississippi qui passe sans.